Pourquoi je viens ? Répondit-il à haute voix. Tu es une fille trop rusée pour ne pas finir par le deviner, et il vaut mieux te le dire, s'écria-t-il en s'asseyant et regardant à travers la cour en entr'ouvrant le rideau de mousseline plissée. Il y a dans la maison une très jolie femme. Madame Marneffe ! Oh, j'y suis ! Dit-elle en comprenant tout. Et Josépha ? Hélas, cousine, il n'y a plus de Josépha. J'ai été mise à la porte comme un laquais. Et vous voudriez ? Demanda la cousine en regardant le baron avec la dignité d'une prude qui s'offense un quart d'heure trop tôt. Comme madame Marneffe est une femme très comme il faut, la femme d'un employé, que tu peux la voir sans te compromettre, reprit le baron, je voudrais te voir voisiner avec elle. Oh, sois tranquille, elle aura les plus grands égards pour la cousine de monsieur le directeur. En ce moment, on entendit le frôlement d'une robe dans l'escalier, accompagné par le bruit des pas d'une femme à brodequins superfins. Le bruit cessa sur le palier. Après deux coups frappés à la porte, madame Marneffe se montra. « Pardonnez-moi, mademoiselle, cette irruption chez vous, mais je ne vous ai point trouvée hier quand je suis venue vous faire une visite. Nous sommes voisines, et si j'avais su que vous étiez la cousine de monsieur le conseiller d'État, il y a longtemps que je vous aurais demandé votre protection auprès de lui. J'ai vu entrer monsieur le directeur, et alors j'ai pris la liberté de venir, car mon mari, monsieur le baron, m'a parlé d'un travail sur le personnel qui sera soumis demain au ministre. » Elle avait l'air d'être émue, de palpiter, mais elle avait tout bonnement monté l'escalier en courant. « Vous n'avez pas besoin de faire la solliciteuse, belle dame, » répondit le baron. « C'est à moi de vous demander la grâce de vous voir. » « Eh bien, si mademoiselle le trouve bon, venez, » dit madame Marneffe. « Allez, mon cousin, je vais vous rejoindre, » dit prudemment la cousine bête.